temps sur ma chaise haute, je regardais cette vieille femme sur cet écran carré en mangeant mes petits pots. Je la dévisageais, elle ne m'avait pourtant rien fait, mais ce n'était pas ma faute. Comme une grand-mère un peu radine ou une maîtresse trop sévère, une caissière qui s'en fout ou une boulangère frustrée, je te voyais de temps à autre aux côtés de jolies fées. Préférais finir ma purée que de résoudre cette affaire. Un peu taine, un peu âgée, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, trop maquillée, complètement discréditée. Un peu taine, un peu âgée, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, trop maquillée, complètement discréditée. Assis sur mon sac à dos, je me concentre sur ton chapeau. Cache-t-il une crête rebelle ou un peigne tout rigolo? Ce sera toujours un mystère, mais pas pour les Miss France. Et d'un côté le Téléthon, de l'autre on n'aime pas trop les tons. Merci de donner un billet pour les maladies génétiques. Elle fait dépenser des millions pour financer son générique. 36-37 c'est pour les dons, 0-800 c'est très très con. Un peu hautaine, un peu âgée, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, trop maquillée, complètement discréditée. Un peu taine, un peu âgée, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, trop maquillée, complètement discréditée. Et toi la miss qui se fait gercler juste après la première pub, mais qui sourit tout bêtement comme si elle allait aux repêches. Vous en avez chié des années, des régimes, des ultraviolets, pour même pas être la dauphine. Pourtant je vous voyais plutôt plate, faudra bien trouver la relève. Mais ne vous pressez pas trop, la vieille femme est adulée par d'autres femmes désabusées. Mais il paraît que c'est un mythe, alors moi j'arrête d'en parler. Au moins tant qu'elle sera là, ben, on vendra du télé 7 jours. Un peu hautaine, un peu âgée, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, trop maquillée, complètement discréditée. Un peu hautaine, un peu âgée, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, trop maquillée, complètement discréditée. Un peu ridée, complètement, un peu hautaine, un peu âgée, un peu ridée, complètement, si peu touchante et pas marrante, un peu ridée, complètement, trop maquillée, complètement, complètement discréditée.